Interpretation mm-hmm. to what mm-hmm. yeah. My testimony. Mein Zeugnis. Mein Testimonial. My testimony is Christ Jesus in this ministry. Mein Zeugnis ist Christus Jesus in dieser Gemeinde. Mein Testimonial ist Jesus Christ ici dans cette église. My testimony is this church is still a living church. Mein Zeugnis ist, dass diese Gemeinde immer noch eine lebendige Gemeinde ist und keine tote Gemeinde. Amen. Mon témoignage c'est que cette église est toujours une église vivante et pas une église morte. My testimony is this ministry is Christ Jesus. And Christ Jesus is this ministry. Mein Zeugnis ist, dass diese Gemeinde Christus Jesus ist und Christus Jesus diese Gemeinde. Et mon témoignage est que Jésus-Christ est cette église et cette église est Jésus-Christ. My testimony is our relationship with Christ Jesus and our relationship with one another through Christ is so strong and is still strong. Mein Zeugnis ist die Beziehung, die wir zu Christus Jesus haben und die Beziehung, die wir zueinander haben durch Christus Jesus, welche so stark ist. Et encore mon témoignage est que ma relation avec Jésus-Christ mais aussi notre relation avec l'un et l'autre ici dans cette église qui est vraiment forte. My testimony is Christ Jesus is our everything and our everything is him also. Mein Zeugnis ist, dass Christus Jesus unser ein und alles ist, unser ein und alles ist er. Mon témoignage est que Jésus-Christ est notre tout et notre tout est Jésus-Christ. My testimony again is this ministry. Is still this ministry is still Christ Jesus in spite of how people allow their body to become a vessel for Satan to fight here. Mein Zeugnis ist, dass diese Gemeinde immer noch Christus Jesus ist, obwohl wie oft Leute ihre Körper als Gefäße des Satans dargegeben haben. Et mon témoignage est que cette église est toujours l'église de Jésus-Christ malgré tous les gens qui ont laissé leur corps être un vaisseau pour le diable. Praise the Lord. Hallelujah. How often they fight here? Wie oft diese Gemeinde bekämpft haben? Oui, combien de fois ils ont combattu cette église? It helped me also to know how they hate Jesus. Es hilft mir auch zu erkennen, wie sehr sie Jesus hassen. Et ça m'aide aussi à comprendre comment ils détestent Jésus-Christ. How often they fight here? Wie diese Gemeinde bekämpfen? La façon comment ils combattent cette église. It helped me to know how deep this ministry is. In Christ Jesus. Hilft mir zu erkennen, wie tief diese Gemeinde in Christus Jesus ist. Et ça m'aide vraiment à comprendre comment cette église est racinée en Jésus-Christ. Praise the Lord. Hallelujah. We go to Luke 4, please. Let's go to Luke 4. Lucas 4. Luke 4. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So if I give my own today, then others give on Sunday. Amen. Amen. Those of us that have not given. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Yeah. Luke 4. Lucas 4. From verse 13. 13. Luke 4, verset 13. Praise the Lord. Mm-hmm. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season, and Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee. And there went out a fame of him through all the region round about. And he taught in their synagogue, being glorified of all. And he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up for to read. 17. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he had appointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To preach the gospel to the poor and not give money to the poor. Das Evangelium den Armen zu geben und nicht Geld den Armen zu geben. Jésus-Christ a dit, il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres et pas pour donner de l'argent aux pauvres. Amen. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised. Verse 19. To preach the acceptable year of the Lord. Verse 20. Verse 20. And he closed the book, and he gave it again to the minister, and sat down. And the eyes of all them that were in the synagogue were fastened on him. Verse 21. I don't fancy. Okay. And he began to say unto them, this day is this scripture fulfilled in your ears. Verse 22. And all bear him witness and wonder at the gracious word which proceeded out of his mouth. And they said, is not this Joseph's son? Praise the Lord. Hallelujah. I thank the Lord for this ministry. Je thank him for his reminder. Je remercie Jésus-Christ pour cette église. I thank the Lord for the message that has been preached. Danke ihm Herrn für die Botschaft, die hier gepredigt wird. Et je remercie l'Éternel aussi pour le message qui est prêché ici. I know that the message is not popular. Ich weiß, dass die Botschaft nicht üblich ist. Et je sais que le message est pas connu mais commun. I know the message is not common. Dass sie nicht überall zu hören ist. C'est pas commun du tout. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. But that does not mean it's not the truth. Das heißt aber nicht, dass es nicht die Wahrheit ist. Mais c'est un feedback, c'est pas la vérité. Amen. Amen. This ministry is Christ. Diese Gemeinde ist Christus, Jesus. Cette église est Jésus-Christ lui-même. And that will continue to be my testimony. Und das wird weiterhin mein Zeugnis sein. Amen. Es wird continuer être mon témoignage. It is bye-bye to the world. Es ist ein Abschied für die Welt. C'est à plus jamais au monde. It is forever. Jesus. Und dann für immer mit Christus Jesus. Amen. On sera toujours avec Jésus-Christ. No push can push us to become religious. Nichts kann uns in die Religiosität reindrücken. Il y a rien qui peut nous pousser dans la religion. Amen. Amen. There's nobody. We just, you know, praise the Lord. Amen. But there is nobody. To preach to. Wenn es niemanden gibt, zu dem man predigen kann. Et s'il y a personne à qui on peut prêcher. Amen. Maybe we preach to the chairs. Dann predigen wir eben zu den Stühlen. On peut même prêcher aux chaises. Well, you can even preach to the animals. Zu den Tieren predigen. Il y a même aussi des animaux. Remember the old world. Erinnert euch an die alte Welt. Et rappelez-vous au monde ancien. A family was saved. Nur eine Familie wurde gerettet. Il y avait seulement une famille qui était sauvée à la fin. The family of Noah. Die Familie von Noah. C'était la famille de Noé. Noah and the three sons. Noah, the wife, the three sons and the sons' wives. We are all eight. Noah, seine Frau, seine drei Söhne und die drei Schwiegertöchter, diese acht Leute wurden nur gerettet. Donc, les personnes qui étaient sauvées, c'était Noé, la femme de Noé, les trois fils de Noé et les trois belles-filles de Noé, donc les femmes de ses enfants. Praise the Lord. Hallelujah. Let us continue to read and read to a place. Amen. Amen. Verse 23. 23. And he said unto them, you will surely say unto me this proverb, physician, heal yourself. Whatsoever we have heard done in Campania, do also here in the country. 24. And he said, verily I say unto you, no prophet is accepted in his own country. Verse 25. Verse 5. But I tell you of a truth, many widows were in Israel in the days of Elijah, when the heaven was shut up 3 years and 6 months. When great famine was throughout all the lands, but unto none of them was Elijah sent, save unto Sarepta, a city of Sidon, unto a woman that was a widow, and many lepers We are in Israel in the time of Elios, Elijah, the prophet. And none of them was clean, saying Naaman, the Syrian. Praise the Lord. Amen. And all day in the synagogue, when they heard these things, we were filled with wrath. 29. And rose up and thrust him out of the city and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that the man cast him down headlong. But he, passing through the midst of them, went his way. Praise the Lord. Yeah. Amen. They were looking for him. They wanted to do something. You cannot cast. You cannot take the wind. Amen. It's just the wind. Amen. Wollten Jesus was anführen, aber du kannst dem Wind nichts anführen. Les gens voulaient, oui, attaquer le vent, mais personne peut attaquer le vent. Praise the Lord. Amen. Amen. Then let's read to verse 32. Verse 31 now. I came down at Campania, a city of Galilee, and taught them on the Sabbath days. And they were astonished at his doctrine, for his word was with power. I saw it here on Sunday as the message was going on. And I see the face of somebody here. How? I thank Jesus for this ministry. That is all about Christ Jesus. Mm. People start with Christ. But can you continue with Christ? Mm. How many can continue with Christ? Mm. With the force everywhere. Mm. With people everywhere. Allowing themselves to become a vessel for Satan. Mm. We thank Jesus for this ministry, please. Und ich bin dankbar für diese Gemeinde, weil viele können mit Jesus Christus starten, aber die Frage ist, wie viele machen weiter mit Jesus Christus. Und wir haben gesehen, wie viele Leute angefangen haben, aber diesen Weg mit Jesus nicht fortführen konnten. Aber ich bin dankbar für diese lebendige Gemeinde und dass die Wahrheit immer noch viel gepredigt wird. Dans verset 31, on a écrit, on était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Et puis on peut voir aussi que, oui, cet verset vraiment... ça c'est compatible avec cette église parce qu'ici je peux voir quand je prêche comment oui les réactions des gens sont et puis c'est ça pourquoi je suis encore oui reconnaissant pour cette église parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent commencer avec Jésus-Christ mais combien de gens sont capables de finir leur relation avec Jésus-Christ s'il y a beaucoup de gens qui sont des vaisseaux pour le diable. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You know, when I sat here, you know, I've said this several times, here is the only living ministry that I know. I've said this several times. Ich habe schon mehrere Male gesagt, dass das hier die einzige lebendige Gemeinde ist, die ich kenne. Et je l'ai dit ça déjà plusieurs fois que cette église est le seul église que je connais. And I've said it that once you're out of this ministry, you're out of Christ. Und ich habe auch gesagt, dass sobald man diese lebendige Gemeinde verlässt, auch gleichzeitig Christus verlässt. Et je l'ai dit aussi plusieurs fois que quand tu quittes cette église vivante, là tu quittes aussi Jésus-Christ. It is not that we are proud, according to this what this world called pride. Und es geht nicht darum, dass wir stolz sind und das aus Stolz sagen, bezogen darauf, was wie die Welt stolz definiert. Es ist nicht, que nous sommes orgueilleux selon la définition de ce monde. Amen. But because of the Christ that our focus is so much on, that he is just everything in this ministry. Sondern wir sagen, dass weil then we are able to see. We are the only one. Because to see somewhere else that is like that, I don't even know. Please, if you find one, let me know. Sondern wir sagen, sondern wir sagen, dass weil unser Fokus so auf Christus gerichtet ist und diese Gemeinde einfach nur Christus sieht, dass das einfach eine Seltenheit ist und das in keiner anderen Gemeinde zu sehen ist. Und deswegen sagen wir aus Überzeugung, dass das die einzige lebendige Gemeinde ist. Und falls ihr eine andere lebendige Gemeinde kennt, wo der Fokus auch so auf Christus ist wie hier, dann lasst es mich wissen. Et on peut le dire parce que notre concentration est vraiment sur Jésus-Christ. On voit seulement Jésus-Christ. C'est ça pourquoi nous sommes capables à voir si les autres ont aussi leur, leur vue sur Jésus-Christ et, ou pas. Donc si vous connaissez une autre église vivante, là vous devez me dire parce que je ne veux pas qu'on soit les seuls gens qui sont sauvés à la fin. I thank Christ Jesus for the message here. Ich danke Christus Jesus für die Botschaft hier. Et je remercie l'Éternel pour le message ici. It makes this ministry different. Das macht diese Gemeinde zu etwas Besonderem, zu etwas anderem. Et c'est ça pourquoi cette église est différente. Because you know, on Sunday when I talked about if you take their children away from their testimony, if you take their job away from their testimony, if you take their money away from their testimony, even casting our devil away from their testimony, there's no testimony for them. Und am Sonntag, als ich über das Thema Zeugnisse gesprochen habe, habe ich gesagt, dass wenn die Leute keine Kinder mehr hätten, was sie zu aufzuzählen hätten, oder keine Häuser, oder auch die Tatsache, dass irgendwelche Dämonen abgefahren sind, dass wenn sie all diese Dinge nicht mehr als Zeugnis hätten, dann wäre ihnen gar nichts mehr übrig, wofür sie Zeugnis halten könnten. Et je remercie l'Éternel pour cette église. Et quand j'ai prêché sur des témoignages, par exemple, j'avais aussi dit que si, par exemple, les gens n'ont plus de voiture, des enfants, ou bien même la puissance de chasser des démons des gens, qu'est-ce qui reste dans leur vie comme témoignage? And on Sunday, I wanted somebody to give testimony. But when I preached this very place, I could see her face. It was, you know, because, you know, people are proud of what they have. I'm not proud of Jesus. Und am Sonntag hätte eine Person ein Zeugnis halten müssen, aber nachdem ich diese Worte ausgesprochen habe, habe ich das Gesicht an der Person gesehen und es hat mir einfach gezeigt, dass Menschen einfach diesen Stolz auf sich selbst einfach beziehen, weil sie diese ganzen Dinge als Zeugnisse aufzählen, statt Christus Jesus. Une personne devait donner aussi son témoignage, puis j'ai dit que ton témoignage ne doit pas être des choses terrestres, des choses physiques. Je pouvais voir comment la manière de cette personne a changé parce qu'il n'avait rien à dire, parce que tous ses témoignages ou bien son témoignage a été basé sur ce qu'elle avait dans la chair et pas ce qu'elle avait dans l'esprit. Anytime I remember our message here, I smile. Immer wenn ich mich an die Botschaft hier in dieser Gemeinde erinnere, muss ich lächeln. Et toujours quand je me rappelle de notre message ici, je dois toujours sourire. Anytime I remember the message here, I rejoice so greatly. How different it is. You know how it is different from message every day. Freue ich mich darüber, wie sehr diese Predigt sich unterscheidet von allen anderen Predigten. Et je me réjouis aussi vraiment que nos messages sont toujours différents de celles des autres églises. Amen. Praise the Lord. Alleluia. It is so different. Es ist so anders. C'est vraiment différent. Amen. Even our testimony now. You know, we started it since some weeks now. And we are still on it. And you can see the testimony. I hardly hear such testimony anyway. Und auch an so Zeugnissen hört man, dass wir einfach anders sind. Come on, testimony. Einfach nur Zeugnissen zeigt schon dieser Unterschied zwischen Tag und Nacht, zwischen Wahrheit und Lüge, Wahrheit und Religion. Ne? Dass wir sehen, dass niemand hier irgendwelche fleischlichen, weltlichen Dinge aufzählt, sondern es einfach immer nur um Christus geht, seitdem wir schon mit den Zeugnissen angefangen haben. Oui, ça fait déjà quelques semaines que depuis que nous avons commencé à donner nos témoignages, puis je suis vraiment étonnée que notre témoignage est seulement Jésus-Christ parce que c'est vraiment rare. Donc, j'ai jamais écouté écouté que quelqu'un donne son témoignage seulement basé sur Jésus-Christ et pas basé sur les choses mondaines. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, again. People always say, or ask, is this ministry the only ministry, the only living ministry? I will repeat the answer always that I always give. And the answer is yes. Leute, frage mal, ist das diese Gemeinde hier die einzige lebendige Gemeinde? Und ich werde die Antwort geben, die ich immer wieder gebe, ja. Et les gens demandent toujours, est-ce que cette église est la seule église vivante? Et je vais toujours dire la même chose, oui. Amen. I'm saying yes because I know. Because I know how people hate the truth. Und ich sage ja, weil ich weiß, wie sehr die Menschen die Wahrheit hassen. Et je dis oui parce que je sais comment les gens détestent la vérité. I'm saying yes because I know how people love darkness. Ich sage ja, denn ich weiß, wie sehr Menschen die Dunkelheit lieben. Je dis oui parce que je sais comment les gens aiment le ténèbre. Johannes 3. Jean 3. Praise the Lord. Amen. John 3. Verse 18 to 21. Johannes 3. 18 bis 21. Jean 3, verset 18 jusqu'à 21. Praise the Lord. Amen. He that believeth on me. Jesus is the one speaking here. Jesus spricht hier. He that believeth on me is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness. You see there? Mm-hmm. Rather than light, because there is evil. Praise the Lord. Amen. Verse 20. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. If we go to Genesis 6. Wenn wir zuerst in Mose 6 gehen. Si on lit Genesis 6. Amen. Amen. Let's go to Genesis 6, please. Erst in Mose 6. Their deeds are evil. Ihre Werke sind böse. Leurs œuvres sont mauvaises. Praise the Lord. Hallelujah. Not different from today. Und es ist nicht anders als heute. Amen. Amen. This is the period of Noah. Das ist die Zeit von Noah. Erster Mose 6. Genesis 6 and Genesis 7. That's the period of Noah. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Mm-hmm. Amen. Verse 5, please. Vers 5. And to verse 7 or 8. We read to verse 8. Praise the Lord. Amen. Amen. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of their thought of his heart, of the thought of his heart was only evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth. And it grieved him at his heart. Man sieht, es ist eine Person. Er ist eine Person, er hat ein Herz. Donc, de voir que Dieu est une personne, il a aussi un cœur et des sentiments. Amen. Amen. You can see how fast he repented. He was regretting. Amen. Mm-hmm. Her feelings, can feel it. Was feeling something of why did I even create them at all? Er hat ein Herz, er hat Gefühle, er hat es hat sie ihn gereut, dass er das getan hat, dass er diese Menschen erschaffen hat. Et lui, il est une personne, il a aussi des sentiments, donc ça montre qu'il a même regretté d'avoir créé l'homme. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Amen. And verse 7, and the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, both man and beast, and the creeping thing, and the fowl of the air, for it repented me that I have made them regret upon regret. Regretting. Pourquoi est-ce qu'il est chaque fois sur la terre? Donc Dieu a regretté qu'il a créé l'homme et puis le feu, c'est jusqu'à aujourd'hui. Noah found grace in the eyes of the Lord. Verset 8. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. On Sunday we talked about Elijah. Am Sonntag haben wir über Elijah gesprochen. Et le dimanche nous avons parlé d'Élisée. That he was the only prophet. No, he said he was the only prophet remaining. Er hat gesagt, er ist der einzige Prophet, der noch übrig bleibt. Il a dit qu'il est le seul prophète qui est resté sur la terre. Amen. Amen. And the Lord said he was not. He was not. He still have a lot somewhere else. Le Herr hat ihm gesagt, nein, das stimmt nicht. Ich habe noch ganz viele andere, 600 ungefähr sogar. Mais Dieu a dit non, tu n'es pas le seul prophète. J'ai encore même 600 prophètes dans ce monde. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, Elijah said what he knew. Elijah hat das gesagt, was er wusste. Mais il a dit ce qu'il connaissait. He was before the 400 prophets of Baal. Elijah. Okay. Amen. Mm-hmm. He was before the 400 prophets er stand of Baal. Alone. 400 Propheten von Baal alleine stand er gegen sie. Donc ce n'est pas Élisée mais c'est Élie qui a été devant 400 prophètes de Baal. He is in heaven today. Er ist heute im Himmel. Mais Élie est aussi aujourd'hui. Amen. Mm-hmm. Elijah did not see death. Elijah hat den Tod nicht gesehen. Élie n'a pas vu la mort. He was taken to heaven. Er wurde in Himmel with chariot by God. Gefahren durch, though he said he was the only prophet on earth. Durch einen speziellen Aufzug des Herrn sozusagen, obwohl er gesagt hat, dass er der einzige Prophet des Herrn ist. Donc la Bible nous dit que c'était Dieu lui-même qui a apporté Élie aux cieux, bien qu'il pensait qu'il était le seul prophète sur la terre. Remember, he came back. Er kam zurück. Elijah came back, and he was now John. Yeah. You know that. Er kam als Johannes. Donc Élie est rentré comme Jean Baptiste. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I pray we are not the only ones saved. Ich bete, dass wir nicht die einzigen Leute sind, die errettet werden. Et je prie que nous ne sommes pas les seuls gens qui sont sauvés. Just like 2 Peter 3:9 said, it is not the will of Christ that any should perish. Genauso wie es in 2. Petrus 3:9 steht, dass es nicht der Wille des Herrn ist, dass irgendjemand in die Hölle geht, zerstört werden muss. Comme ce n'est pas aussi la volonté de Dieu que quelqu'un périsse. But you know, in Matthew 7:13-14, it said, many perish, but few are saved. Aber Matthäus lesen wir, dass dieser though it's not his will that any should ins Verderben breit ist und viele diesen Weg nehmen und zerstört werden und der Weg der Gerechtigkeit schmal ist und nur wenige darauf zu finden sind. Et dans Matthieu 7, on a écrit qu'il y a beaucoup de gens let's qui périssent parce que 7, le chemin go to Matthew 7. À la destruction est vraiment grand. Mais very few. Le chemin de Jésus-Christ est vraiment étroit, c'est ça pourquoi il y a seulement peu de gens qui sont sauvés à la fin. Matthieu 7, verset 13 et 14. It says, enter ye in at the straight gate, for wide is the gate, and broad is the way that leadeth to destruction. Yeah. And many be there which go in there out. Verse 14. Because straight is the gate, and narrow is the way, which leadeth unto life, and few there be that find it. Very few. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Amen. Amen. Though in 2 Peter 3, verse 9, it is not his will for any to perish. Ist es nicht der Will des Herrn, dass irgendjemand zur Runde geht? Er möchte, dass alle zur Runde kommen. Das ist das Gleiche, was wir hier sagen. Et dans 2 Pierre, on a écrit que ce n'est pas la volonté que quelqu'un périsse, mais que c'est la volonté de Dieu que tout le monde se répand pour que tout le monde ait une relation avec Jésus-Christ. Apart from Elijah, there was another man of God that also said, I preach. That said, that also prayed that his ministry was the only ministry on earth. Und unabhängig von Elijah gab es noch einen Propheten, der auch gesagt hat, dass seine Gemeinde die einzige ist auf Erden. Et à part de Lille, il y avait encore une autre personne qui prêchait que son église est la seule église ici dans cette terre. Who knows that man? That man was Noah. Dieser Mann war Noah. Et cette personne a été Noé. Amen. Noah preached for years upon years. Noah hat jahrelang gepredigt. And said his ministry was the only living ministry. Hat gesagt, dass seine Gemeinde die einzige lebendige Gemeinde. You can be saved. Dass nur in diesem Boot findest du Rettung. Nirgendwo anders auf der Welt findest du Rettung. Donc pour les années des années, Noé a toujours prêché que son église et son ministère est le seul, oui, le seul qui est de Jésus-Christ ou bien du vrai Dieu. Il a dit que si tu veux être sauvé à la fin, tu dois entrer dans l'arc, sinon tu vas être perdu à la fin. Praise the Lord. Second Peter 2. 2 Petrus 2. 1 Pierre 2. 1 plus 4. 1 à 4. Amen. You know, this man don't preach. He said his ministry was the only ministry. No, until you come to me, you cannot be saved. Until you belong to this ministry, you cannot be saved. That's the ministry of Noah. Donc Noé a dit, si tu n'appartiens pas à cette église, tu ne peux pas être sauvé. Et ça, c'était le ministère de Noé. Praise the Lord. Verse 1. He said, and there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, whose privilege shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Verse 2. Yeah. And many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. Praise the Lord. Yeah. That's why I do know what people say concerning here. If you listen, your ears will be full. Et il y a beaucoup de choses que les gens disent sur cette église. Et si tu écoutes toutes ces choses-là, tes oreilles vont être vraiment remplies avec des mensonges. And verse 3, says, and true covetousness shall they with fake words make merchandise of you, whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. For if God spare not the angels that sin, but cast them down to hell, and deliver them into chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spare not the old world, but save Noah and the eighth person, the preacher of righteousness, bringing the flood upon the world of the ungodly. Praise the Lord. Amen. Amen. Then in verse six, look at verse 6 to 9. It talks about two cities. Amen. Mm-hmm. And turning the city of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly, and deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in sin and bearing, vexed his righteousness so from day to day with their unlawful deeds. Praise the Lord. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptation, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. We should be careful. What we choose. On doit faire très attention avec ce qu'on choisit. Amen. You know, Noah, this very man, Lot, his choice destroy you know, though he was safe, but can see because where his children were straight was so evil. Dort wo die you know what happened to him and the children, the daughters. Dort wo Lot slept with him. Und seine, because of the city of Sodom and Gomorrah, that where he chose to go. Let us just choose Christ, please. Ja, wir müssen halt lernen, Christus zu wählen, weil unsere Entscheidungen haben auch eine Auswirkung auf uns selbst, auf unsere Kindeskinder. Und wir sehen, wie dieser Ort, an dem sie gelebt haben, die Kinder von Lot sozusagen beeinflusst hat, dass sie dann so Böses und Übles mit ihrem Vater getan haben, ne? Weil sie halt einfach vom Satan sozusagen beeinflusst worden sind und aufgewachsen sind, dass sie dann halt auch diese Dinge getan haben, die der Satan ihnen beigebracht hat in Sodom. Mm-hmm. Ja. Et dans verset 8 et 9, on peut voir comment Dieu parle aussi de Sodome et Gomorrhe. Et si on lit l'histoire de Lot, par exemple, il avait pris son choix par la chair, il avait choisi Sodome et Gomorrhe par la chair, et bien qu'il était sauvé à la fin, on pouvait voir comment ses enfants ont été influencés par ses choix, parce qu'à la fin, ses enfants et ses filles ont aussi accouché avec l'autre, parce qu'ils ont été éduqués à travers, ou bien selon le système de ce monde, ça pour qu'on ne prend pas des décisions, spécialement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Genesis 7, verse 13. 1. Mose 7. Genesis. Praise the Lord. Verse 13. Amen. So, can you help us to read the chapter? Vers 13. An eben diesem Tag war Noah in die Arche gegangen mit Sam, Ham und Japheth, seinen Söhnen, und mit seiner Frau und den drei Frauen seiner Söhne. Praise the Lord. Amen. In the same day, enter Noah, Ashen, and Ham, and Japheth, the sons of Noah, and Noah's wife, and the three wives of his sons, with them into the ark. You know, it was not only these people that the Lord wanted to be saved. He wanted all of them to be saved. Diese Leute errettet werden. Er wollte natürlich, dass alle errettet werden. Mm-hmm. Et Dieu ne voulait pas seulement que huit personnes soient sauvées, mais il voulait que tout le monde soit sauvé. Just a family. Just one family was the only family that was saved. Nur eine Familie wurde gerettet. Seulement une famille a été sauvée. If you read it from, let's go to Genesis 6 and read from verse 1. And read verse 1, please. 1. Mose 6, vers 1. On va lire Genèse 6, verset 1. Amen. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, that the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, here is telling us that people, you know, there was multiplication. A lot of people being born. Amen. Hier steht, dass es Vermehrung gab. Viele Leute wurden geboren. Donc verset 1 nous montre qu'il y avait la multiplication de l'être humain. Amen. Praise the Lord. Amen. You know, the Lord is not a partial God. Der Herr ist kein voreingenommener Gott oder kein Gott, der sich nur auf eine Seite schlägt. Dieu n'est pas un Dieu qui prend de parti. It was not his will that Dieu n'est pas un Dieu qui prend de parti. Amen. It was not his will that only Noah and the family, only Noah's family, should be saved. Es war nicht sein Wille, dass nur Noah und seine Familie gerettet werden. Ce n'était pas sa volonté que seulement Noé et sa famille soient sauvés. You can see here how he was regretting. This chapter 6, amen. Mm-hmm. From verse 2, you can see he was in pain to see how people were, you know, were just being evil. Mm-hmm. Ihr seht in Vers 6, wie es den Herrn gereut hat, wie es ihn traurig gemacht hat, dass Leute nicht gehorcht haben. Er hat sich darüber gefreut und gesagt, ich wollte sie eh alle auslöschen, außer 8 Leute. Deswegen passt das ganz gut alles hier. Nee, er war traurig darüber. In Vers 2, on peut voir que Dieu était vraiment, il était triste parce que les gens s'est mis contre lui, donc pour lui c'était aussi difficile. Let's read from verse 2 to 8. 2 bis 8. 2 à 8. He said that the sons of God saw the daughter of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 130 years, because they are flesh and not spirit. You see that? Because they are flesh and not spirit. Amen. Donc l'homme est chair et pas esprit. And not flesh. Ah, wir sind Geist und nicht Fleisch. Mais nous sommes esprit et pas chair. He said, they, you know, their days can be 120 years. Ihre Tage können nur 20 sein. Leurs jours sont 120 ans. I hope you understand what I'm saying. Amen. Then in verse 4, he said, there were giants 4. In the earth in those days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of their thoughts of his heart was only evil continually persist. And he repented the Lord that he had made man on the earth, and he grieved him at his heart. Verse 7. And the Lord said, I will destroy them, destroy man whom I have created. I will destroy man, including the sons of God. Ich werde den Menschen zerstören, auch die Söhne Gottes. Verse 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. The so-called sons of God, they also destroyed. Sie wurden auch zerstört. With others. Mit den anderen. In the period of that, you know, that time of Noah. You see that? Amen. It was only Noah and the family that we see. Nur Noah und die Familie wurden gerettet. Seulement Noé et sa famille étaient sauvés. Are you getting something here? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The so-called sons of God. Les soi-disant enfants de Dieu. Amen. Became polluted. Diese Gottes Söhne wurden verunreinigt. Ont été pollués. Verse 2. You can see verse 2 verse 2 of chapter 6. In Vers 2 sehen wir das, lesen wir das. To marriage. Et dans Genèse 2, on peut le voir, ça s'est passé à travers le mariage. Durch die Ehe mit den Frauen auf hier Erden. It became polluted. Wurden sie verunreinigt. Et à travers le mariage avec la femme, l'homme a été pollué. They took They took them wives of all which they chose. They chose wife for themselves. That the sons of God sought the daughters of men, that they were fair, and they took them wives of all which they chose. And the Lord said, my spirit, you can see it, because of their marriage. And verse 4 also, if you look at verse 4. Wegen ihrer Vereinigung mit den Töchtern der Menschen wurden sie verunreinigt. Et on peut voir que les fils de Dieu ont été pollués à cause du mariage avec les femmes de ce monde. Amen. Amen. Verse 4 also. So there were giants in the earth in those days. And also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. Though they were mighty, but they were destroyed. Sie waren mächtig, aber dann wurden sie zerstört. Ils ont été puissants, mais à la fin ils ont été détruits. It's only the sons of God through Christ that can be saved. Nur die Söhne Gottes können Christus, nur die Söhne Gottes durch Christus können gerettet werden. Amen. Seulement les fils des dieux à travers Jésus-Christ peuvent être sauvés. Amen. Mm-hmm. There's a difference between to be saved and to be truly saved. Amen. Es gibt einen Unterschied zwischen der Rettung und wahrhaftiger Rettung. Il y a une différence entre être sauvé puis être sauvé dans la vérité. Just like that, there's a difference between to be free and to be free indeed. Genauso wie es einen Unterschied gibt zwischen frei und frei, tatsächlich frei sein. Et comme il y a une différence entre être libre et être libre réellement. So also there's a difference between to hear and to understand. Go to Matthew 15, verse 10. Et comme il y a aussi une différence entre écouter puis comprendre. Praise the Lord. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. I'm getting close now. Amen. Mm-hmm. Matthew 15. Matthäus 15. Matthew 15. Verse 10. Matthäus 15, Vers 10. Matthew 15, verse 10. And he called his multitude and said unto them, hear and understand. There's a difference between to hear and to understand. Il y a une différence entre écouter et comprendre. Until you act on things, you can never understand them. Et jusqu'à ce que tu agis selon ce que tu écoutes, tu ne vas jamais comprendre. C'est ça le système du royaume des cieux. And that's why the kingdom of heaven is about revelation. Deswegen geht es im Königreich des Himmels über Offenbarung. C'est ça pourquoi dans le royaume des cieux, il s'agit de révélation. It is faith before revelation. Es ist Glauben vor Offenbarung. C'est la foi avant la révélation. There is the natural understanding. Es gibt das natürliche Verstehen. Il y a la compréhension. And there is the supernatural understanding. Und das übernatürliche Verstehen. Et aussi la compréhension surnaturelle. You understand the natural understanding is with your mind. Das natürliche Verstehen ist mit deinem Kopf. Et la compréhension naturelle c'est avec tes pensées, avec ton cerveau. The supernatural understanding is with your spirit. Das übernatürliche Verstehen ist mit deinem Geist. Mais la compréhension surnaturelle c'est avec ton esprit, ça fonctionne à travers ton esprit. Praise the Lord. Amen. In the natural world, you cannot act on what you. In the natural world, you cannot act on what you do not understand. In der natürlichen Welt kannst du nicht nach dem handeln, was du nicht verstehst. Et au monde naturel, tu ne peux pas agir selon les choses que tu ne comprends pas. It means it is understanding before action. Das heißt verstehen vor handeln. Donc ici, c'est d'abord la compréhension avant l'acte. In Christ's world, it is opposite. In der Welt von Christus ist es aber umgekehrt. Mais au royaume des cieux, c'est au contraire. Amen. Amen. It is your action. Praise the Lord. Amen. Your acting on the truth opens your understanding. Dein Handeln nach der Wahrheit öffnet dein Verstehen. Verständnis. Au royaume des cieux, c'est que quand tu agis selon la vérité, c'est là où la compréhension suit. Meaning, it is action before understanding. Das heißt, erst handeln und dann verstehen. Donc, c'est d'abord l'action et après la compréhension. Because your understanding is coming from the spirit. Und dein Verstehen kommt vom Geist. And not from your mind. Ça vient de ton esprit et pas de tes pensées. You understand in your spirit. Du verstehst in deinem Geist. Tu comprends dans ton esprit. Your schoolwork, all these things in the flesh, they are coming from your mind. That the understanding is from your mind. But once you come to Christ, the understanding is coming from the spirit. Dein Verstand, den du nutzt, um die schulische Dinge nachvollziehen zu können, zu verstehen zu können, zu berechnen zu können, das machst du mit deinem Verstand, aber das Verstehen im Königreich Gottes kommt aus unserem Geist. Pour comprendre les choses que tu apprends à l'école, tu utilises toujours ta compréhension naturelle, mais tout la sagesse surnaturelle, tu le fais toujours, tu le comprends à travers ton esprit. Praise the Lord. Hallelujah. To be free indeed means a change or changes in your action. Tatsächlich frei zu sein heißt frei zu sein in deinem Handeln thoughts, und deiner Reaktion, deinem Denken, deinem your value, your Leben focus, und Fokus. What you love and what you hate. Was du liebst und was du hast. Donc, praise the Lord. Libre, c'est quand il y a un changement dans tes dans tes actions, dans tes pensées et dans tes réactions. Praise the Lord. Hallelujah. Please, we will go. The last part of it will become your soul next week. It is part of what we are going to start now, understanding the kingdom of heaven. So that is part of it. Amen. Der letzte Teil wird nächste Woche weitergeführt. Da gehen wir langsam in das Thema ein, das Königreich von Jesus Christus verstehen. Et à partir de la semaine prochaine, on va parler sur la compréhension du royaume des cieux. The Lord wants us to understand His kingdom. Der Herr will, dass wir sein Königreich verstehen. Parce que Jésus-Christ veut qu'on comprenne son royaume. Amen. Amen. Until we know them, understanding. He wants us to understand it, and the understanding is coming from the Spirit. Mm-hmm. Will, dass wir es verstehen. From your mind. Und das Verstehen kommt aus unserem Geist und nicht aus unserem Verstand. Et Jésus-Christ veut que notre compréhension ça vienne de notre esprit pas de notre chair. Amen. Amen. No, that's why some people once they say, I don't understand it. That's why I cannot obey it. Yeah, you know, they'll say, I don't understand. That's why I don't obey it. That's the natural things. But once it comes to Christ, you don't understand it. You obey. You're obeying it. Open your understanding. Because your understanding is coming from the Spirit. And not from your head, your cup. Und deswegen haben viele Menschen eine Blockade, weil für sie ist es immer logisch, erst zu verstehen und dann zu handeln. Aber im Königreich Gottes sollen wir handeln und das Verstehen kommt dann aus unserem Geist heraus. Et c'est ça pourquoi les enfants de Dieu ont toujours des difficultés, parce que pour eux c'est d'abord qu'ils doivent comprendre avant d'agir, mais au royaume de Dieu c'est différent, tu agis d'abord avant de comprendre. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Please, that is all for today. Amen. Yes, yes.